Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de B.O. Veuillez laisser un message après le bip. Ouais gros, bah vas-y, apparemment là on n'arrive pas à t'avoir. J'essaie de t'appeler depuis je sais pas combien de temps, mais tu réponds jamais. Vas-y, prends ton téléphone, fais un petit truc mon gros, on t'attend. Ouais, bah vas-y gros, je t'appelle, je vois que t'es pas là, tu réponds pas trop. Vas-y, décroche ton téléphone, rappelle ou fais un truc. Vas-y, ciao ciao mon gros. C'est vrai, faut pas, il me parle pas comme un saut devant une radio. Je crois que la maille sera palpable, que l'horizon sera moins palo. En attendant, c'est bon, patard, sous UV d'HPS. Même si les vapeurs d'âge m'apaisent, loin sont les années, bombes attaque. On veut que le liquide tombe comme en hydroponie. Mais c'est la politique qui trompe comme la liste popoli. Je baisse pas les bras car c'est la vie qui me tient, on joue ma gueule. Des fois, on fait des pas chelous, un peu comme si un fou manœuvre. Devant le jugement dernier, je pense que je vais passer mon tour. J'ai beau avoir les idées claires, mes pailles deviennent sacrément floues. C'est vrai, je suis qu'un élève, la vie, je suis déjà là. De son cours, des rêves au bout des lèvres, mais ils vont se casser sans sous. Avoue qu'on fait la guerre alors qu'on a qu'une phase de paix. J'avoue avoir les idées noires alors que j'ai qu'une phase de cré. Je m'arrache la tête quitte à vouloir servir sur un plateau. On n'a pas des idées bateaux. Si je lâche de langue, bah je lâche du lest. Les idées clairement noires, mais je suis sûr qu'elles éclairent mon art. Cœur éclipsé maintenant, je suis prêt à vous extraire le molar. On meurt brisé d'entendre sans pouvoir faire taire le molar. Ma gueule, je bats de serment ce soir, je crois que c'est clairement trop tard. Les idées clairement noires, mais je suis sûr qu'elles éclairent mon art. Cœur éclipsé maintenant, je suis prêt à vous extraire le molar. On meurt brisé d'entendre sans pouvoir faire taire le molar. Ma gueule, je bats de serment ce soir, je crois que c'est clairement trop tard. On se bute le foie et la rétine sur des airs de blues. Parfois, on n'a pas la main sur nos ifs comme Jamel Debbouze. Pas fier de toi qu'on la résine, te ramène le flouze. Y'a pas de loi quand on a faim et que ton banquier t'appelle le 12. Je voudrais m'arracher de là, mais j'ai pas assez de glace. Roulez-moi un mas et de là, c'est gris, j'en ai assez de ça. J'emprunte l'esprit hip hop depuis que mes rêves ont rendu la marque. Des mecs que vend du mal avec les cris aux antipodes. On se fixe pas sur nos vies comme une injection d'héros. On voit un mec qui réussit, on veut une inversion des rôles. On m'a dit qu'on va grandir et c'est une inception. Les gros, je crois que c'est la maille qui ralentit. Ça doit être une question d'euros. En attendant, on roule, on rôde sans sous. Ça fait des chromes, ça check les coups, ça fait des prods, des frites, les œufs tout dans les paumes. On regarde le temps passer, c'est lui qui nous voit très passer. On veut se mettre bien dans du liquide, pouvoir se prélasser. Les idées clairement noires, mais je suis sûr qu'elles éclairent mon art. Cœur éclipsé maintenant, je suis prêt à vous extraire le molar. On meurt brisé d'entendre sans pouvoir faire taire le molar. Ma gueule, je bats de serment ce soir, je crois que c'est clairement trop tard. Les idées clairement noires, mais je suis sûr qu'elles éclairent mon art. Cœur éclipsé maintenant, je suis prêt à vous extraire le molar. On meurt brisé d'entendre sans pouvoir faire taire le molar. Ma gueule, je bats de serment ce soir, je crois que c'est clairement trop tard. Je vais mettre mon grain de sel sur des plaies encore béantes, tout ressource, mais je suis pas sûr de vouloir encore très rang. Avoue que ça tue dans la rue pour des grammes ou de la salive. Je crois qu'avec Jean-Luc de la rue qui aimait se rouler dans la farine. Mais qu'est-ce qui reste, notre honneur ou un peu de volonté? On fera pas mieux pendant un siècle où on a vu des bombes péter. Mais on est tous coupables de ce que demain on va avoir. Si je joue comme dire à un aveugle, bah que t'as rien à voir. Les idées clairement noires, mais je suis sûr qu'elles éclairent mon art. Cœur éclipsé maintenant, je suis prêt à vous extraire le molar. On meurt brisé d'entendre sans pouvoir faire taire le molar. Ma gueule, je bats de serment ce soir, je crois que c'est clairement trop tard. Les idées clairement noires, mais je suis sûr qu'elles éclairent mon art. Cœur éclipsé maintenant, je suis prêt à vous extraire le molar. On meurt brisé d'entendre sans pouvoir faire taire le molar. Ma gueule, je bats de serment ce soir, je crois que c'est clairement trop tard. Ouais, vas-y, décidément, on n'arrive jamais à t'avoir, tu casse-couille là. Vas-y, mon gros, bah.